Maintenant, donc dans ta mère, tu cherchais maintenant les prêtres. Parce qu'ils étaient souvent, ils étaient très frais, ils étaient frais, ils avaient une fraîcheur. La fraîcheur comme les agneaux là. Oui. Doux là. Je voulais un peu quand même près de Midrag un jour. Mmh. Oui, mais même si je savais que, c'est seulement un travail, ce n'est pas sérieux, sérieux avec Dieu. Mmh. Ils savaient comme ça. Ils savaient qu'ils ne sont pas sérieux. Oui, ils savaient que c'est bon, c'est quand même un travail que tu lis, tu parles, aux gens. Mmh. Mais ils savaient que ce n'est pas trop sérieux. Mmh. Bon, j'ai seulement dit, mais il ne m'intéressait pas. Mmh. Je parlais seulement comme ça. Je sais pas, j'étais arrêté. Je vais revenir. Et donc, ces prêtres-là, qu'est-ce que tu voulais nous faire comprendre particulièrement par rapport au prêtre-là depuis la terminale, là, quand tu. Depuis la Sainte-Cécile, le prêtre qui sortait avec ta camarade, ça t'a intéressé? Qu'est-ce que tu as fait avec les prêtres là aussi? Ça m'a intéressé parce que, à un moment donné, on avait cherché 4 élèves sérieux en classe, qui ne dérangent pas, qui peuvent être honnêtes pour compter l'argent à l'église. Mmh. On m'a choisi parmi ces élèves. Donc, tu étais honnête? J'étais plutôt surpris comme de voir que quelqu'un est honnête, parce que moi, je savais que je n'étais pas honnête. Au contraire, c'était une occasion pour moi de soutirer de l'argent. Mm-hmm. Parce que dans la mauvaise position, ils ont choisi la mauvaise position. Peut-être parce que j'étais un peu. Je sortais pour mettre la casse. Mm-hmm. Puis bon, je me suis dit que peut-être c'est parce que c'était ça. Mm-hmm. On était élève, voilà. Mm-hmm. Parce que j'arrivais, j'avais peur souvent de prendre. Mais souvent, quand on faisait des calculs, je pouvais prendre 500, je gardais. Oui, un truc comme ça, je voulais un peu de l'argent. Mm-hmm. Et il y avait les prêtres aussi, ils se montraient un peu. Ils se montraient pas trop sérieux avec Dieu, avec mm-hmm. nous en fait. Mais ils ne se montrent pas sérieux comment? Avec Dieu. Pour moi, je n'avais pas l'air de quelqu'un qui. Bon, si on te dit pas c'est un prêtre, tu ne peux pas savoir. Mm-hmm. Parce qu'il te parle comme s'il te drague. Tu ne sais pas si tu as dit qu'il te drague ou pas. Parce qu'il y a le voile de prêtre qui t'embrouille. Tu mets cette idée en tête. Mais si tu as accepté, il accepte aussi. Oui, mm-hmm. Mais il ne m'intéressait pas. Mm-hmm. Je vois, bon, moi, je connaissais même plus la joie d'argent. C'est l'argent qui t'intéressait là-bas, oui. Oui, je comptais sérieusement. Tu fais un peu comme Judas. Oui, mm-hmm. je prenais un peu comme ça. Mm-hmm. Mais là, pour les prêtres, là, bon, la phase est un peu passée. Parce que le prêtre qui sortait ma camarade, un jour, je me suis monté sur sa voiture, il me pensait qu'il devait me draguer, il m'a pas dragué. Mm-hmm. Ça m'a dégoûté, bon, les prêtres m'ont plus intéressé. Tu as dit, ok, dans ce cas, tu n'es plus le prêtre. Revenons maintenant là, dans la vraie église. À la vraie église de Dieu, il y avait le fils du pasteur. Mm-hmm. Quand je l'ai vu, j'ai eu l'intention de le séduire. Tu as dit, non, c'est le fils du pasteur, maintenant, c'est plus le prêtre. Oui, j'avais l'intention de le séduire. Mm-hmm. Je ne sais pas si ça a marché ou pas. Parce que il se montrait un peu trop prudent. Mm-hmm. Moi, j'ai eu l'impression qu'il. Bon, parce que j'étais un peu aussi distrait, là, j'étais aussi distrait. Il y avait une garçon, je lui regardais. J'ai dit que, bon, parce que je regarde tout le monde. Je vois un peu les hommes un peu débraillés. Je mets pas les hommes débraillés. Tu as senti que les gars, il y a mais il était un peu le seul ici, qui était un peu frais. Oui, qui s'habillait un peu à mon goût. Mm-hmm. Oui, je lui regardais. Donc, pendant qu'on était là, il faisait culte, les gens chantaient là, tes yeux étaient pas là-bas. Et ton cœur aussi. Bon, il ne me plaisait pas tant qu'homme. Mais c'était le meilleur là-bas, quand même. Le meilleur qui était un peu. Parce que personne ne me plaisait en fait. Mm-hmm. Je voulais seulement le séduire comme ça. Mm-hmm. Quand je lui voyais, la manière dont je lui parlais un peu, je ne prenais pas de distance parce qu'il y a une discipline là-bas. Mm-hmm. Les garçons n'ont même pas salué les filles. Mm-hmm. Donc vous regardez chacun comme oui, le militaire. On n'a pas salué, on se salue comme ça. Mm-hmm. On n'a pas parce que pour éviter l'impunité, on a même séparé les garçons et les filles. Donc quand on fait l'impunité, on sépare dans le milieu de l'assemblée. Quand ils sortent là-bas comme ça là. C'est comme ça qu'ils marchent toujours. Oui. Et à la maison, c'est comme ça qu'ils font toujours. Oui, distant, on n'a pas voulu pas causer. Mm-hmm. C'est la seule machine. Mm-hmm. Mais lui avec moi, mm-hmm. on avait dit que c'est pour eux là-bas, c'est mm-hmm. l'église. On se voyait, on causait bien. Mm-hmm. Mais chacun était prudent de son côté. Mm-hmm. Bon, chacun comprenait. Et quand on était souvent là, on aimait plus parler de ce domaine. Mm-hmm. Les garçons, filles, mm-hmm. du sexe, machin. Vous n'étiez pas là au niveau de la prédication, à faire comme ça, la sanctification. Non. Mais avec lui, avec d'autres personnes, oui, mais avec lui, jamais. Quand vous êtes ensemble, chacun se voit, on se regarde. On se parle, mais quand vous sortez, maintenant, c'est le cours de sexologie. Oui. On causait un peu par rapport à ça. Mm-hmm. Mais on n'allait pas loin, Revenons à un endroit. Donc, ton entrée au milieu chrétien s'est faite à l'instant où tu allais voir cette femme-là qui traçait et qui t'a invité. Tu es parti et désormais, tu as pris l'habitude de commencer à partir. Mm-hmm. Et étant là-bas à ce milieu-là, on t'a posé la question, tu t'es baptisé quelque chose? Je ne me suis pas baptisé. Oui, tu suivais quand même les bas enseignements, on ne savait pas qui tu étais, mais parce que tu t'habillais exactement comme eux aussi. Oui. Mm-hmm. Et là, maintenant, tu. On savait que j'étais nouvelle. Mm-hmm. Quand tu es nouveau, on connaît. Oui. Et là, maintenant, et là tu es, pour eux, tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Je suis nouvelle. Mm-hmm. Tu es nouvelle. Nouvelle en fait. Oui. Et en ce cas-là, toi, tu te considères comme chrétienne? Non. J'ai toujours su que je suis une païenne. Oui.

au-delà, moi, je suis fatiguée. Mm-hmm. C'est là que maintenant, après, je sais pas ce qu'il m'a pris, un jour j'ai appelé au téléphone, la seule qui a répondu. Mm-hmm. Mais après, je l'appelais même pas pour ça, j'appelais juste parce que quand je suivais les enseignants, je m'avais mis à l'encombre là, il y avait le numéro. Je suis mis sur la seule, j'étais à l'école. Bon, elle m'a dit que je n'étais pas disponible. Bon, en écoutant les enseignements, qu'est-ce que tu veux? Allons-y, on veut. Tu as suivi les enseignements. Voilà, enfin, j'ai suivi les enseignements. Je suis tombé sur les enseignements qui parlaient de ça. Que vous êtes chrétien, vous m'assurez, repentez-vous. Mm-hmm. Moi, j'ai dit que ce n'était pas ça qui me plaisait, c'est que je ne savais pas comment faire. Mm-hmm. Je voulais cette occasion-là. Mm-hmm. Parce que, on prêche, je me levais en salle, je n'ai pas le courage. Mm-hmm. Mais je savais que c'était normal qu'il faut se repentir, il faut confesser devant tout le monde, tout ça. Mm-hmm. Je voulais le faire, mais je n'avais pas ce courage. Et puis, pour moi, c'était l'occasion. Et surtout quand j'avais suivi comment un homme disait qu'il avait un CD dans la Bible, cet esprit a dit oui. Mm-hmm. Et que si moi je viens aussi, on me trahit comme ça dans mes pieds. Dans l'enseignement, quand il avait dit qu'il y avait un garçon qui avait. Oui, je voulais aussi que si je viens, ça, on me trahit comme ça. Mm-hmm. Je voulais te dénoncer, je voulais en fait comme ça. Je n'avais pas seulement. Donc tu n'as pas eu l'occasion. Le courage en fait. L'occasion. Mm-hmm. Là, quand je suis venue, je venais maintenant, je suis venue à ma quête. Et maintenant, lors de l'enseignement sur le péché sexuel, tu vois que c'est ta vie exactement comme ça en train de décrire. Mm-hmm. Maintenant, après, il te dit, lève-toi. Je crois que tu étais la deuxième. Deuxième personne, troisième personne, il dit, lève-toi, toi maintenant, tu as des bagages. Oui. Qu'est-ce que, quand tu as été pointé, quel était tes... Quand on a commencé, quand je suis venue, c'est comme si je savais ce qu'on devait pêcher. Oui. Dans ce jour-là, quand ce jour-là, c'est sur le péché sexuel au milieu chrétien. C'est comme si je savais qu'on devait parler sur le péché sexuel. Oui. Et ce jour-là, il dit que même si, comme je sais que Jésus revient déjà. Oui. Tu déballes tout. Ah, parce qu'une femme m'a dit que peut-être quand les étoiles vont tomber, c'est-à-dire que si je vais tomber, ça va tomber que je serai là-bas. Mm-hmm. Quel que soit ce qui va arriver à la maison, je vais seulement aller. Oui. C'est ce que j'ai dit. On ne sait pas les occasions comme ça, c'est pas toujours qu'on en trouve. Mm-hmm. Dès que je suis arrivée. Et il s'avérait qu'on a commencé à prêcher. Quand tu as dit que je ne veux pas vous dire de quoi je veux prêcher, j'ai dit mon cœur dit qu'on va parler que de ceci seul aujourd'hui. Je sais que c'est ça. Mm-hmm. C'est ça comme ça. Et la révélation. Je sais pas, je savais qu'on va parler que de ça aujourd'hui. Et quand on a commencé à parler, quand j'ai vu le frère Blais se lever pour confesser, j'ai dit que quel courage dans mon cœur, quel courage, qui me donne ce courage-là de se lever. Et quand les autres personnes ont commencé à parler, dit qu'après lui, c'est moi. Mm-hmm. À cet instant-là, j'ai vu me pointer. Mm-hmm. Que lève-toi maintenant. Oui. Mm-hmm. Et dit, après lui, c'est moi. Après, dès qu'il finit, moi, je me lève. Mm-hmm. Et à cet instant, tu m'as pointé. Mm-hmm. Et quand tu as parlé, tu vas dire que sans avoir honte, j'ai l'impression que le Seigneur qui me parlait, parce que c'est ce que je disais à mes frères, que j'avais honte. Mm-hmm. Et là, bon, qu'est-ce que je vois? Parce que une fois, avant de venir à Makepe, la dernière fois qu'on est venu à Makepe, je me suis masturbée avant de venir. Et j'ai dit que, mais, je me suis commencé à dire que non, je ne peux pas venir, je vois comment je pêche. Je vais aller à l'église, ça c'est le moyen que je pars. Je me suis pas, j'ai maintenant pensé, là comment, ce que Satan m'a accusé à dire, parce que Satan a dit que, regarde ce que je viens de faire. Mmh. Après, je vais aller jouer la religieuse là-bas. Une fois, m'a dit que, quand Satan a accusé, il y avait un prophète que Satan l'a accusé, Dieu a levé, il dit que d'accord, ok, de toute façon, Dieu m'a levé. Mmh. Je me suis levé, j'ai eu le courage d'aller samedi. Mmh. Et je crois que c'est ce samedi où. Ça a commencé. Non, après ce samedi, je ne suis même pas là, j'ai raconté que le frère Achille. Mm-hmm. Je crois que c'est après le samedi qu'on a dit, maintenant, dit qu'on se retrouve le 15. Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. J'étais content. Tu étais content? J'étais content, oui. Oui. Et cette même nuit, j'ai combattu les pensées au sein. Et ça a été, je pense qu'il y avait les hommes qui voulaient coucher avant. Dans la nuit, j'ai combattu ces pensées parce qu'il y a une parole qui a dit qu'ils allaient combattre la victoire sans le savoir. Oui. J'ai dit que, ok, je vais le faire, je ne vais pas m'arrêter là. Mmh. Je commence. Jusqu'à présent, ça défile même. Mmh. Quand deux personnes peuvent me dire que voici ma femme, je sais, c'est comme si je vais les aller imaginer dans les chambres. J'essaie de chasser. Même pendant qu'on est en train de prêcher, je ne vais pas regarder quelqu'un en face trop longtemps parce que je vais essayer de l'imaginer. Mmh. Je cherche. Donc tu vois que tu as eu le temps, c'est quelque chose qui a eu le temps de se construire depuis la jeunesse, depuis la tendre enfance. Mmh. Eu le temps de s'asseoir. De s'asseoir avec toutes les scènes, un peu comme une mamie qu'on met au feu, vous préparez sur la mamie du bois. Quand c'est noir, pour laver, ce n'est pas comme une mamie qu'on a mis sur un feu et que c'est noir. La façon de laver n'est pas identique. Donc c'est pour ça qu'on va travailler maintenant, d'accord? On va travailler.